Activité 7. Et vous, vous avez quoi dans votre sac? Moi, j'ai un ordinateur. Lui, il n'a pas de sac.